إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، on va donc terminer ce soir la lecture et l'étude de l'épître du Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala, intitulé Masail al-Jahiliya, dans lequel le Cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné 128 préceptes parmi les préceptes pré-islamiques, les préceptes de la Jahiliya, au sujet desquels le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est opposé aux gens de la Jahiliya. Le Cheikh rahimahullah ta'ala a donc dit: المسألة الخامسة عشرة بعد المئة قاعدة الضلال وهي القول على الله بغير علم. Le 115e précepte, parmi les préceptes des gens de la Jahiliya, le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit, c'est la base de l'égarement, qui est le fait de parler sur Allah subhanahu wa ta'ala sans science. La base de l'égarement, c'est-à-dire l'origine et la source de tout égarement est le fait de parler sur Allah subhanahu wa ta'ala sans science. Et on a déjà abordé ce sujet dans de nombreux cours lors de notre étude de cette épître. Et de par sa gravité, le Cheikh rahimahullah ta'ala l'a mentionné ici tout seul et nous a précisé que ceci est la base de l'égarement. Car le fait de parler sur Allah subhanahu wa ta'ala sans science, c'est un très grave péché. Les gens de science ont même mentionné que ce péché est plus grave que le shirk, que le polythéisme, car c'est la base du polythéisme. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son livre: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Dis: mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes apparente et secrète, de même que le péché, l'agression sans droit, d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, puis il dit, et dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donc mis le fait de parler sur lui sans science au-dessus du polythéisme, au-dessus de l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Car le shirk, le polythéisme, il est issu de quoi? Il est issu du fait que des gens on parlait au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala sans aucun savoir, comme on l'a mentionné dans des cours précédents. Il n'est donc pas permis pour le musulman de s'assimiler aux gens de la jahiliya, et ce, en parlant sur Allah subhanahu wa ta'ala sans science, comme le fait de dire « Allah subhanahu wa ta'ala a interdit cela » ou alors « Allah subhanahu wa ta'ala a permis cela » ou encore « Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré cela » alors que ceci n'est pas vrai et n'est basé sur aucune preuve et sur aucune science. Tout ceci entre dans le fait de parler sur Allah subhanahu wa ta'ala sans science, comme le font certaines personnes qui font des fatawas alors qu'ils n'ont pas de savoir. Il tente sa chance, il essaye de répondre, comme on l'entend souvent, « Ah moi je pense que dans ce cas-là il faut faire ceci ou cela ». Il ne faut pas penser que cela est une chose insignifiante, mais c'est une chose très dangereuse, car cela revient à mentir sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ. Qui est plus injuste que celui qui ment sur Allah et traite de mensonge la vérité quand elle lui vient? N'est-ce pas dans l'enfer qu'il y a un refuge pour les mécréants? Il est donc interdit de parler sur Allah subhanahu wa ta'ala sans science. C'est-à-dire de manière générale qu'il est interdit de parler au sujet de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sans savoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était interrogé au sujet d'une chose sur laquelle il n'avait pas reçu de révélation, qu'est-ce qu'il faisait? Il retardait la réponse à cette question. Et il attendait la révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi agissait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors que dire d'autre que lui? Aujourd'hui, on voit certaines personnes, on leur pose des questions. « Ah, moi je pense qu'il faut faire comme ceci, moi je pense qu'il faut faire comme cela. » On voit des personnes sur les réseaux sociaux, elles posent leurs questions, Et dans les réponses, tu vois une multitude d'interactions et de personnes qui donnent leur avis et parlent au sujet de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sans aucune science. Et ceci est un grave péché. C'est une chose très dangereuse pour la personne de parler sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sans science. Regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il attend la révélation. Alors comment toi tu peux te permettre de t'empresser de répondre et de parler sans aucune science? Si tu ne sais pas, ne réponds pas. Personne ne t'a contraint et ne t'a forcé à donner ton avis ou à dire ce que tu penses. Les savants eux-mêmes, il y a beaucoup de questions dont ils n'ont pas connaissance. Donc si on te pose une question sur la religion, et que c'est une question qui pour toi n'est pas claire, que tu ne connais pas à son sujet une preuve du livre et de la sunna, alors il n'y a pas plus simple pour toi que de dire « je ne sais pas ». Allahu a'lam. Malheureusement, cette parole, elle est devenue très lourde à notre époque sur la langue de beaucoup de gens. Ils ont du mal à dire « je ne sais pas ». Qu'est-ce que les gens vont penser de moi si je dis que je ne sais pas la réponse sur une question qui concerne par exemple la prière ou la purification? Tu ne sais pas, ne réponds pas. Ce n'est pas une honte de ne pas savoir. La honte et l'humiliation, c'est de parler sur Allah subhanahu wa ta'ala sans science. Quant au fait de dire que tu ne sais pas, c'est un honneur. Cela t'élève en degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est cela qui plaît à ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et on a l'exemple de cela parmi nos pieux prédécesseurs, rahimahumullahu ta'ala, qui est l'exemple de l'imam Malik, rahimahullah. Il a été interrogé sur 40 questions. Il a répondu à certaines d'entre elles, et sur la majorité, il a dit « je ne sais pas ». Alors le questionneur, il lui a dit « je suis venu d'une contrée lointaine. J'ai fait un long voyage pour venir te questionner. Et toi, tu me dis que tu ne sais pas ». C'est comme s'il se demandait qu'est-ce qu'il allait dire aux gens de son pays à son retour, de qui il est venu transmettre ses questions à l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Qu'est-ce qu'il lui a répondu, l'imam Malik? Il lui a dit « remonte sur ta monture et va dans le pays duquel tu es venu et dis aux gens « j'ai interrogé Malik et Malik ne savait pas ». Allahu Akbar. Imam Malik, rahimahullah ta'ala, un des imams de notre communauté. On lui pose 40 questions, à la majorité d'entre elles, il ne répond pas, il dit « je ne sais pas ». Et il dit à la personne « retourne et va dire aux gens que Malik ne sait pas ». Ainsi sont les gens de science, qui craignent Allah, subhanahu wa ta'ala, et qui ont conscience de la gravité de parler au sujet de la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sans aucune science. Alors, ils prennent leurs précautions et ne parlent que de ce dont ils ont connaissance. Donc de la même manière, le musulman, comme on a dit, il doit prendre garde à ne pas parler sans science, à ne pas parler au sujet de la religion de choses qu'il ne connaît pas. Si on te pose une question sur un sujet dont tu as la certitude d'avoir la connaissance, dont tu as déjà pris connaissance, des preuves du livre, des preuves de la sunna, des paroles des savants à ce sujet, alors il n'y a pas de mal, incha'Allah ta'ala. Chacun selon ses capacités. Mais si tu ne connais pas la réponse, que la question est confuse, que tu n'as pas de certitude, alors abstiens-toi et sache qu'il n'est pas de ton devoir de répondre aux questions des gens, et que tu n'as pas de péché à ne pas leur répondre. Par contre, si tu réponds et que tu parles sans science, alors dans ce cas-là, tu te mets dans une situation très dangereuse. Et de la même manière, les gens qui écrivent sur Internet. Aujourd'hui, on voit un certain engouement à la propagation de la science religieuse. Nombre de personnes ont pris conscience du mérite de la propagation de l'islam, de la diffusion de la science profitable. Donc, à la vue de ces mérites, il souhaite obtenir une part de ses récompenses. Alors, tu vois celui-ci qui ouvre une page sur Facebook pour propager la science religieuse, celle-ci qui ouvre un blog, l'autre qui ouvre sa chaîne YouTube et commence à faire des rappels, et ainsi de suite. Mais si tu observes la situation de nombreux d'entre eux, alors tu te rends compte que pour la plupart, ils n'ont pas les aptitudes pour parler sur la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Sur beaucoup de sujets, ils parlent sans aucune science, au point parfois de mentir sur la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils se mettent ainsi en grand danger. Et de la même manière, tous ceux qui écrivent sur les réseaux sociaux, qui parlent et prononcent des avis selon leurs propres opinions, tous ceux-là pensent que leurs actes sont des choses insignifiantes, mais en réalité, ils exposent leur propre personne à de grands dangers desquels il est très simple pour eux de s'épargner en s'abstenant de parler au sujet de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sans science. Si tu souhaites diffuser une chose, diffuse les paroles des savants, des choses qui te parviennent de sources sûres. Si ce sont des traductions, ne te contente pas de regarder le nom du savant. mais regarde également le nom du traducteur qui a traduit la parole de ce savant, afin de savoir si c'est une personne qui a les aptitudes et qui est digne de confiance pour pouvoir propager sa traduction, et ainsi de suite. Quoi qu'il en soit, on a déjà abordé ce sujet à plusieurs reprises lors de nos cours, mais étant donné que le shir, rahimahullah ta'ala, l'a mentionné ici, nous sommes alors revenus dessus, et il n'y a pas de mal car malheureusement, c'est un des fléaux qui cause beaucoup de tort à l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala à notre époque, le fait que nombre de personnes parlent au sujet de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sans science, s'assimilant ainsi aux gens de la jahiliya. Et comme on a dit, le fait de parler sur Allah subhanahu wa ta'ala sans science, c'est la base de tout égarement. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a dit: Al-mas'alatu sadisatu asharatu ba'du al-mi'ah, at-tanaqudu al-wadih. لما كذبوا بالحق كما قال الله تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. Le 116e précepte parmi les préceptes des gens de la Jahiliya, c'est la contradiction évidente. Et ce lorsqu'ils ont traité la vérité de mensonge. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit selon le sens rapproché, ils traitent de mensonge la vérité qui leur est venue, les voilà donc dans une situation confuse. Celui qui délaisse la vérité, alors il sera inévitablement éprouvé par le faux et par le fait de se contredire dans le faux. Et ce, car l'égarement, ce n'est pas une chose unique, mais c'est quelque chose qui est éparpillé et se divise en une multitude de ramifications. Alors que la vérité, c'est une chose unique, qui ne se divise pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, « فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ » Qu'y a-t-il d'autre après la vérité, si ce n'est l'égarement? Donc quiconque délaisse la vérité, il tombe dans quoi inévitablement? Inévitablement, il tombe dans l'égarement. Et l'égarement, c'est comme un labyrinthe. La personne, elle s'y perd. Elle ne trouve pas d'issue pour s'en sortir, wal'iyadhu billah. C'est pour cela que tu vois les partisans du faux et les partisans de l'égarement. Ils sont divisés et divergents entre eux. Ils ont tous des avis et des opinions différentes. Et il est même possible que l'un d'entre eux, lui-même, il est des opinions différentes les unes des autres et qu'ils se contredisent. Pourquoi? Car il n'a pas une voie sur laquelle il chemine, mais il patauge dans le faux. Un jour il va dire ceci, le lendemain il va se contredire, et ainsi de suite. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit « بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ » Ils traitent de mensonge la vérité qui leur est venue. Les voilà donc dans une situation confuse, c'est-à-dire les voilà donc divergents. Les gens du faux, ils sont sans cesse dans la divergence, sans cesse dans la division. Ils ont de l'hostilité les uns envers les autres. Ils se taxent d'égarement les uns les autres. Et ils vont même jusqu'à se taxer de mécréance les uns les autres. Alors que les gens de la vérité, ils se cramponnent à la vérité. Ils ne divergent pas à son sujet. Car elle leur vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'ils divergent sur des questions subsidiaires, alors cela est dû à un effort d'interprétation. Et ils n'ont pas d'hostilité entre eux. Ils ne se boycottent pas les uns des autres à cause de ces questions. Et si la vérité leur est clarifiée sur une question au sujet de laquelle ils se sont trompés, alors ils reviennent à la vérité et ils délaissent leurs paroles et leurs opinions. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné dans son noble livre le remède à la divergence et à la discorde. Il nous dit subhanahu wa ta'ala, وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. Sur toutes vos divergences, le jugement appartient à Allah. Donc si on diverge sur une chose, on doit revenir au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de distinguer le vrai du faux. Il nous dit aussi subhanahu wa ta'ala فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. À Allah, c'est-à-dire renvoyez-le au livre d'Allah. À son messager, c'est-à-dire à la sunna authentique du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quelle que soit la divergence qui se produit au sein de la communauté, quelle que soit la discorde qui a lieu entre les musulmans, son jugement revient à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et si on s'y dispute sur une chose, qu'est-ce que l'on doit faire? On doit revenir au livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, afin de distinguer le vrai du faux. Afin de savoir qui est juste et qui s'est trompé. Et si les musulmans s'efforcent à mettre en pratique ces orientations divines, alors ils mettront fin par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala à nombre de divergences et à nombre de discordes. Mais malheureusement aujourd'hui, la faiblesse, elle provient de nombreux manquements quant à la mise en pratique des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider et de nous pardonner pour nos manquements. Donc en résumé concernant ce précepte, les gens de la vérité, ils ne sont pas divisés. Ils sont unis et cramponnés à la vérité. S'ils divergent sur certaines questions subsidiaires, alors ils n'ont pas d'hostilité entre eux, ils ne se boycottent pas les uns les autres et ne se taxent pas d'égarements ou de mécréance les uns les autres. Mais chacun œuvre selon ce qui lui a apparu des preuves. Et s'il se rend compte qu'il s'est trompé et qu'il s'est opposé à une preuve, alors il revient à la vérité. Quant aux gens de l'égarement, ils n'ont pas de base à laquelle revenir. Car la base de chacun d'entre eux, c'est quoi? C'est ses propres passions et ses propres opinions. Et les passions des gens, elles divergent. Et c'est pour cela qu'on les trouve divergents. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, il dit « Al-mas'alatu sabi'atu asharatu ba'dul mi'a al-imanu bi ba'dil munazzal » Le 117e précepte, c'est le fait d'avoir foi en une partie de ce qui a été révélé et de rejeter le reste. Et ceci fait partie des caractéristiques des juifs et des chrétiens. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet dans Surat al-Baqarah, blâmant ce comportement, « Afatu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd » Croyez-vous en une partie du livre et vous en rejetez le reste? Puis il dit subhanahu wa ta'ala, فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Ceux d'entre vous qui agissent ainsi ne méritent que l'avilissement dans cette vie. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Et au jour de la résurrection, ils seront repoussés au plus dur des châtiments et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Telle est la rétribution de ceux qui croient en une partie du livre et en rejettent l'autre partie. Car ce qui nous incombe à tous, c'est d'avoir foi en l'ensemble du livre. La personne, elle ne doit pas accepter du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que ce qui correspond à ses passions et à ses désirs, comme le font certains parmi les gens de l'égarement. Ce qui correspond à leurs passions, ils l'acceptent, et ceux qui s'opposent à leurs passions et leurs désirs, ils le rejettent. Ils s'assimilent ainsi aux gens de la Jahiliya, et notamment les Juifs et ceux qui ont suivi leurs pas, en prenant une partie du livre, qui est celle qui correspond à leur passion, et en rejetant le reste, qui s'oppose à leur passion. Donc il y a en cela une exhortation pour les musulmans à ne pas emprunter leur chemin, à ne pas emprunter leur voie, afin que ne les atteigne pas le châtiment dont Allah subhanahu wa ta'ala les a menacés. Ensuite le cheikh il dit, rahimahullah, « Al-mas'alatu thaminatu asharatu ba'dul mi'a » At-tafriq bayna ar-rusul. Le 118e précepte, c'est de faire une distinction entre les messagers, alayhim salatu wassalam, et ceux en croyant en certains messagers et en mécroyant et en traitant de menteurs d'autres messagers, comme l'ont fait notamment les gens du livre. Quant aux idolâtres, parmi les polythéistes arabes, alors eux, ils ne croyaient pas du tout aux messagers, mais ils mécroyaient en l'ensemble des messagers, alayhim salatu wassalam. Alors que les juifs, ils ont mécru en Isa alayhi salam, ils ont mécru en Jésus, et ils ont mécru en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les chrétiens, ils ont mécru en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais en réalité, celui qui mécroit en un seul messager, alors c'est comme s'il avait mécru en l'ensemble des messagers. Pourquoi? Car les messagers alayhi salatu wa sallam, ils sont tous venus appelés à la même voix. Ils sont tous venus appelés à une seule et unique religion, qui est le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et de rejeter l'adoration de tout autre que lui. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَجَتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Nous avons certes envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, adorez Allah, c'est-à-dire vouez le culte exclusif à Allah, et écartez-vous du tarout, et écartez-vous de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui mécroit en un des messagers d'Allah alayhi salatu wassalam, c'est comme s'il avait mécru en l'ensemble des messagers alayhi salatu wassalam. Et les musulmans, ils ne font pas de distinction entre les messagers d'Allah, mais ils disent comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a ordonné. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Dites, nous croyons à Allah et en ce qu'on nous a révélé et en ce qu'on a fait descendre vers Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Yaqub et les tribus, ainsi qu'en ce qui a été donné à Moussa et Isa et en ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux et à lui, c'est-à-dire à Allah, nous sommes soumis. Telle est la parole des croyants. Ils ne font pas de distinction entre les messagers d'Allah, alayhimu salatu wa salam, mais ils croient en l'ensemble d'entre eux. Car la foi aux messagers, alayhimu salatu wa salam, c'est un des six piliers de la foi. En effet, comme il est venu dans le hadith authentique, le célèbre hadith Jibril, lorsqu'il est venu, sous l'apparence d'un homme, pour questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de l'islam, au sujet de l'iman, au sujet de la foi et au sujet de l'ihsan, qui est la bienfaisance. Il lui a dit, informe-moi au sujet de la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa al-yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Il lui répondit, sallallahu alayhi wa sallam, la foi, c'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et que tu crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et ce hadith est rapporté par les imams, al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. Il n'est donc pas suffisant de croire seulement en certains messagers, mais il est obligatoire pour le musulman d'avoir foi en l'ensemble des messagers, et ne pas faire comme l'ont fait les gens de la Jahiliya, qui croyait seulement en certains messagers et mécroyait en d'autres. Et comme on a dit, celui qui mécroit en un seul des messagers, c'est comme s'il avait mécru en ensemble. Et quelle est la preuve de cela? Quelle est la preuve que le fait de mécroire en un messager, c'est comme si on avait mécru en l'ensemble des messagers? La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit « Kadhabat qawmu Nuhin il mursalin » Le peuple de Nuh ont traité de menteurs les messagers. Nuh alayhi salam, comme vous le savez, c'est le premier des messagers qui a été envoyé aux gens sur terre. Il n'y avait donc pas de messager avant lui. Malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? Le peuple de Nuh ont traité de menteurs les messagers. C'est-à-dire qu'en traitant Nuh alayhi salam de menteur, c'est comme s'ils avaient traité de menteur l'ensemble des messagers alayhimu salatu wa salam. Il en est de même lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la même sourate كذبت عاد المرسلين كذبت ثمود المرسلين عاد ont traité de menteurs les messagers. ثمود ont traité de menteurs les messagers. Alors qu'ils ne traitaient de menteurs que le prophète qui leur était envoyé. Malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala a considéré cela de la même manière que de traiter de menteurs l'ensemble des messagers alayhim salat wa salam. Donc il fait partie de la croyance du musulman d'avoir foi en l'ensemble des messagers d'Allah alayhim salat wa salam. Et pas seulement en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous croyons en tous les messagers qui sont venus avant lui. Et nous avons la ferme conviction que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier d'entre eux, et le meilleur d'entre eux, et que sa religion est venue abroger toutes les religions qui l'ont précédé. Ensuite le shaykh il dit, rahimahullah, Al-mas'alatu tasi'atu asharatu ba'du al-mi'a, mukhasamatuhum fima laysa lahum bihi ilm. Le 119e précepte, parmi les préceptes des gens de la Jahiliya, c'est le fait de se disputer au sujet de ce dont ils n'ont aucune science. Ceci fait partie des préceptes des gens de la Jahiliya et qui rejoint le fait de parler sur Allah subhanahu wa ta'ala sans science. C'est qu'ils se disputaient et ils débattaient au sujet de choses au sujet desquelles ils n'avaient pas connaissance. Alors que l'obligation pour l'homme, c'est de ne débattre qu'avec science, qu'avec certitude. Quant à ce dont il n'a pas connaissance, comme on a dit, alors il s'abstient à ce sujet, il ne prononce aucune parole. Mais il garde le silence. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet, بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُ Ils ont traité de mensonge ce qu'ils ne peuvent embrasser de leur savoir, ce dont ils n'ont aucune science, et dont l'interprétation ne leur est pas encore parvenue. Ils ne connaissent pas encore l'interprétation de cette chose, mais ils l'ont traité de mensonge. Donc, ceci nous démontre deux choses importantes. La première, c'est que la personne elle ne se mêle pas d'une chose dont elle n'a pas connaissance. Et, de la même manière, Il ne renie pas ce dont il n'a pas connaissance. Mais il dit Allahu a'lam. Car il y a certaines personnes, du simple fait qu'ils ne connaissent pas une chose, il entend un hadith qu'il n'a jamais entendu, il se peut qu'il ait une forme de rejet vis-à-vis de ce hadith. Alors que les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sont très nombreux. Nous sommes loin de tous les connaître. Donc ce n'est pas le simple fait que tu ne le connais pas, avec tes faibles connaissances, que ce hadith n'existe pas, ou que ce hadith n'est pas authentique. Il en est de même pour toutes les autres questions religieuses. Si tu ne connais pas une chose, tu n'en parles pas, mais de la même manière, tu ne la renies pas. Mais tu dis « Allahu a'lam, je n'en ai pas connaissance ». Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de lui demander d'accroître ses connaissances. « Wa qur rabbi zidni ilma » et dit « Oh mon Seigneur, accrois mon savoir, accrois mes connaissances ». Donc l'homme, il ne doit pas penser qu'il a connaissance de toute chose. Mais il doit être conscient que ses connaissances, elles sont très limitées. Et que même s'il a beaucoup de science, qu'il a étudié de nombreuses années, qu'il a lu des centaines ou des milliers de livres, alors tu dois avoir la certitude que ce qu'il ignore est bien plus grand que ce dont il a connaissance. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à ce sujet dans son noble livre, « Wa fawqa kulli dhi ilmin alim » Et au-dessus de tout homme détenant la science, il y a quelqu'un de plus savant que lui. Tu dois avoir la certitude de cela. La personne, elle ne doit pas s'enorgueillir de sa science et penser que sous prétexte qu'il a lu, qu'il a étudié, qu'il a écouté, qu'il a assisté, et ainsi de suite, qu'il a atteint un niveau considérable. Ce que tu ignores est bien plus vaste que ce dont tu as connaissance. Et seul Allah, subhanahu wa ta'ala, sait toute chose. Quant à nous, nos connaissances, elles sont très très minimes. Donc ce n'est pas le simple fait d'ignorer une chose qui veut dire que l'on doit s'y opposer ou que l'on doit renier cette chose. Mais si tu l'ignores, tu dis Allahu a'lam et tu te renseignes au sujet de cette chose. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Interrogez les gens du rappel si vous ne savez pas. Donc, la deuxième chose sur laquelle on insiste ici, c'est le fait que la personne, elle ne doit pas renier la chose dont a eu connaissance autrui. Si une personne a connaissance d'une chose que toi tu ignores, tu ne dois pas renier la chose dont il n'a connaissance. Car, comme on l'a dit, l'être humain, il ne lui a pas été donné toute la science. Mais chaque personne a au-dessus d'elle une personne plus savante qu'elle. Et c'est pour cela que les savants ont dit cette parole, bien connue, et qu'ils répètent souvent, « Celui qui sait est une preuve contre celui qui ne sait pas. » C'est-à-dire que celui qui sait une chose, il a un argument supplémentaire à celui qui ne la connaît pas. Et l'ignorance d'une chose, elle ne veut pas dire que cette chose n'existe pas. Donc lorsque tu as connaissance de cela, cela t'encourage à faire sans cesse des efforts dans l'apprentissage de la science religieuse. Pour toujours accroître tes connaissances. Et faire des efforts pour sans cesse augmenter tes connaissances. Chaque jour tu apprends, ne serait-ce qu'une seule question religieuse, tout au long de ta vie. Ainsi, tes connaissances augmenteront. Et ceci est un des meilleurs moyens pour rester ferme sur la voie de la vérité et pour faire monter sa foi. Donc ce précepte, il concerne le fait de se disputer au sujet de ce dont ils n'ont pas connaissance. Comme le font nombre de personnes, ils voient quelqu'un dire une chose, mentionner un hadith, évoquer une règle religieuse que lui n'a pas entendue auparavant et dont il n'a pas connaissance. Alors il va renier cette chose et ils vont se disputer. Et la base de ça, c'est quoi? C'est l'ignorance. Il se dispute car il n'a pas connaissance de cette chose. Il va blâmer des prédicateurs parce qu'ils ont parlé d'une chose dont lui, il n'a pas connaissance. Il va renier la parole d'un savant sous prétexte qu'il a parlé d'une chose que lui ignore. Il va se disputer avec ses frères, car ils ont eu la science certaine au sujet d'une question que lui a ignorée. Et il va se disputer avec lui sans aucune science. Donc tout ceci, ce sont des choses desquelles le musulman, il doit s'éloigner. Car ceci fait partie de la voie des gens de la Jahiliya. Et entre dans cela les nombreux débats que l'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Quelqu'un propage une chose, tu vois un deuxième qui vient et qui va le blâmer, le contredire, le contrarier. Pourquoi? Car il ignore cette chose. Et un troisième qui vient et qui commence à parler. Et un quatrième qui vient et qui donne son avis. Et ainsi de suite. Des discussions et des débats sans fin. Et des débats qui ne sont pas profitables, pourquoi? Car la majorité d'entre eux, ils parlent sans aucune science. Ce ne sont pas des débats scientifiques, des débats profitables, comme le font les étudiants en sciences lorsqu'ils discutent au sujet d'une question pour arriver à un résultat. Ce sont des débats stériles. Chacun donne son avis, chacun dénigre l'autre, et ceci ne mène à aucun profit si ce n'est à semer la discorde et à faire naître dans le cœur des musulmans la haine et l'hostilité des uns envers les autres. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a dit: Al-mas'alatu al-ishrun ba'd al-mi'a. Da'wahum ittiba' as-salaf ma'a at-tasrih bi mukhalafatihim. Le 120e précepte parmi les préceptes des gens de la Jahiliya, c'est le fait qu'ils prétendaient suivre les prédécesseurs alors qu'ils s'opposaient à eux explicitement. Telle était la voie, de manière générale, des juifs et des chrétiens, qui prétendaient suivre leurs prophètes alors qu'ils s'opposaient à eux explicitement. Mais également des gens de l'égarement parmi ceux qui s'affiliaient à la religion de l'islam. Tous prétendre suivre ceux qui les ont précédés parmi les croyants. Les juifs, ils prétendent être les suiveurs de Moussa alayhi salam et de ceux qui ont cru en Moussa. Les chrétiens, ils prétendent suivre Isa alayhi salam et ceux qui ont cru en Isa. Et les gens de l'égarement parmi ceux qui s'affilient à cette communauté, qui s'affilient à l'islam, ils prétendent suivre ceux qui nous ont précédés, les salaf, parmi les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, ou les tabi'in, ou alors les grands imams de la communauté, comme Abu Hanifa, Malik, Shafi'i ou Ahmed, et ainsi de suite, alors qu'ils ne sont pas en réalité sur la voie des salaf, et qu'ils s'y opposent explicitement, dans des points fondamentaux comme les points liés à la croyance, comme on l'a déjà mentionné dans des cours précédents. Donc on tire de cela une règle très importante, qui est que ce n'est pas toute personne qui prétend être sur la voie des salaf, ou être sur le minhaj salafi, qui est réellement sur cette voie, et dont la prétention est authentique. Mais cette personne, on doit confronter sa prétention à la voie des pieux prédécesseurs, rahimahumallahu ta'ala. Si elle est conforme à ce sur quoi étaient les salaf, alors sa prétention est vraie. Mais s'il s'oppose à la voie des salaf, sa prétention, elle ne lui est d'aucune utilité. Et on voit beaucoup parmi les groupes de l'égarement aujourd'hui qui prétendent être sur la voie des salaf, prétendent être salafis, qui prétendent suivre le manhaj des salaf, la voie des pieux prédécesseurs, mais qui en réalité s'opposent à celle-ci dans de nombreux points de la religion et notamment des points fondamentaux, comme les points liés à la croyance. Et la règle pour distinguer cela, c'est de revenir à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a donné la caractéristique précise de ceux qui suivent réellement la voie des salaf. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui sont sur ce quoi je suis aujourd'hui, moi et mes compagnons. Celui qui suit ce sur quoi était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ce sur quoi étaient ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, c'est celui-ci qui est sur la voie des salaf. Quant à celui qui s'oppose à cela, qui s'oppose à ce sur quoi était le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui s'oppose à ce sur quoi étaient les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, alors il n'est pas sur la voie des salaf, même s'il le prétend. Même s'il crie jour et nuit, je suis salafi, je suis salafi, je suis salafi. Si sa voie est contraire à la voie des salaf, qu'il a emprunté un chemin différent, qu'il s'oppose à eux dans la croyance, qu'il s'oppose à eux dans la méthodologie, alors sa prétention, elle ne lui est d'aucune utilité. Ce qui est pris en considération, ce n'est pas les prétentions, mais ce qui est pris en considération, c'est la réalité des choses. Donc ceux qui prétendent la salafia aujourd'hui, ils sont très nombreux. Mais on doit confronter ce sur quoi ils sont à la voie des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Si cela est en accord, alors nous dirons que leur prétention est vraie et qu'ils sont sur la salafia, inshallah ta'ala. Mais s'ils s'y opposent, qu'ils s'opposent à la voie des salafs, alors ils ne sont pas salafis et leur prétention qu'ils sont sur la voie des salafs est une prétention mensongère. Et comme on l'a dit précédemment au sujet de ceux qui s'affilient aux imams des quatre écoles, je suis hanafite, je suis malikite, je suis shafi'ite, je suis hanbalite. On entend beaucoup cela en ce moment, des gens qui s'affilient à des madhhabs. Mais beaucoup d'entre eux, si tu regardes les points fondamentaux liés à la croyance des salafs, alors tu verras qu'ils s'opposent à ces imams dans de nombreux points liés à la croyance. Donc leur affiliation à ces imams, c'est une affiliation incorrecte, car ils se sont opposés à eux dans la chose la plus importante de la religion, qui est la croyance. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a dit: Al-mas'alatu al-hadiyatu wal-ishroun ba'du al-mi'ah. Sadduhum an sabilillahi man amana bih. Le 121e précepte parmi les préceptes des gens de la Jahiliya, c'est le fait qu'ils obstruaient le sentier d'Allah à ceux qui y croient. Le fait d'obstruer le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala consiste à détourner les gens du fait d'entrer en islam et d'accepter la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi agissent les mécréants des premiers siècles jusqu'à aujourd'hui, et ce parmi les juifs, les chrétiens et autres polythéistes. Ceci fait partie de la voie des gens de la Jahiliya, d'obstruer le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'empêcher les gens d'entrer en islam, d'empêcher les gens d'emprunter le chemin de la droiture. Et nombre parmi les groupes égarés, même parmi ceux qui s'affilient à l'islam aujourd'hui, ils ont emprunté cette voie et ils obstruent le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils égarent les musulmans sur nombreuses questions et ils essayent de les appeler à leur voie fausse et égarée. Et de la même manière persistent jusqu'à aujourd'hui les juifs, les chrétiens et autres polythéistes à détourner les musulmans de la religion. Et ils prétendent appeler à la liberté religieuse, au dialogue interreligieux, à l'entraide entre les religions, à la liberté de culte, la liberté de croyance. Tout ceci, ce sont des slogans qui sont employés par nombre de personnes parmi les mécréants. Et leur objectif à travers cela, c'est de détourner les gens de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman, il n'a aucun doute quant au fait que sa religion est la religion de la vérité et que les autres religions sont des religions de fausseté. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre « وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقَبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ » Et quiconque recherche une religion autre que l'islam, cela ne sera pas accepté de lui et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Le musulman, il n'est pas en doute au sujet de sa religion. Il a la certitude que l'islam est la religion de la vérité. Il a la certitude que toute autre religion est une religion de fausseté. Mais eux, ils viennent avec ces slogans mensongers, dialogue interreligieux, liberté de culte, liberté de croyance, et ainsi de suite, tout cela avec pour objectif d'obstruer le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car leur objectif, c'est quoi? C'est d'égarer les musulmans et de leur faire perdre leur religion. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ. Ils aimeraient que vous soyez mécréants. Et il dit subhanahu wa ta'ala, وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ اسْتَطَاعُوا. Et ils ne cessent de vous combattre jusqu'à vous détourner de votre religion s'ils le peuvent. Tel est leur objectif. Donc tu les vois appeler au dialogue interreligieux, à la liberté de culte, à la liberté de croyance, à la liberté dans les pratiques religieuses, à l'égalité entre les religions. Mais en réalité, tout ceci sont des slogans mensongers. Car leur objectif, c'est quoi? C'est de faire disparaître l'islam. Comme le font aujourd'hui les défenseurs de la laïcité et des libertés religieuses. Ils appellent à la liberté de culte, mais en réalité, c'est la liberté de tout culte, sauf la religion de l'islam. Cela leur objectif. Donc le musulman, il doit prendre garde à ces méthodes qui sont employées pour détourner de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il doit se rappeler que leur objectif, c'est de faire disparaître l'islam, de faire disparaître la pratique de la religion de l'islam. Et ils emploient pour cela différentes méthodes et différents moyens afin d'obstruer le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le musulman, il est réconforté et se rassure à la lecture de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit dans son noble livre « يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ » Ils veulent éteindre avec leur bouche la lumière d'Allah, alors qu'Allah ne veut que parachever sa lumière, quelque répulsion qu'en aient les mécréants. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. C'est lui qui a envoyé son messager avec la bonne direction et la religion de vérité afin qu'elle triomphe sur toute autre religion, quelque répulsion qu'en aient les polythéistes. Ensuite, le cheikh, il dit, rahimahullah, Al-mas'alatu thaniyatu al-ishroun ba'du al-mi'ah, mawaddatuhum al-kufra wal-kafirin. Le 122e précepte parmi les préceptes des gens de la Jahiliya, c'est le fait d'avoir de l'affection pour la mécréance et les mécréants. En effet, il fait partie des préceptes des gens de la Jahiliya qu'ils avaient de l'affection pour la mécréance et les mécréants. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné au sujet des enfants d'Israël qui ont pris pour alliés les mécréants. Il dit subhanahu wa ta'ala, تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. Tu vois beaucoup d'entre eux s'allier aux mécréants. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit dans son noble livre de nous allier aux mécréants. Il dit subhanahu wa ta'ala, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Ô les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient l'un des leurs. Donc cette question, en réalité, elle est liée à un des préceptes fondamentaux de notre religion, l'alliance et le désaveu. Et qu'il est obligatoire pour le musulman de se désavouer du polythéisme, de la mécréance, ainsi que des adeptes du polythéisme et de la mécréance. Et ceci fait partie des plus grandes obligations de l'islam. Ceci ne veut pas dire que le musulman transgresse les droits des polythéistes ou des mécréants, ou qu'il va être injuste envers eux. Car comme on a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit l'injustice. Il a ordonné l'équité, même envers les mécréants. Et que la haine envers un peuple ne vous pousse pas à être injuste, mais soyez juste, ceci est plus proche de la piété. Et ce sujet, on l'a développé lors de notre étude des annulatifs de l'islam. Vous pouvez donc y revenir pour plus de détails, ainsi qu'aux enregistrements sur l'explication des trois fondements lorsque l'on a parlé du principe de l'alliance et du désaveu en islam. Ensuite, le shir, rahimahullah ta'ala, a mentionné les derniers préceptes du 123 au 128 qui sont al-iyafa wat-tarq wat-tira wal-kahana wat-tahakumu ila at-taghut wa karahatu at-tazwij bayna al-aidain. Donc ces derniers préceptes que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionnés, ils sont liés principalement à certaines croyances qui étaient présentes chez les gens de la Jahiliya et qui s'opposent au tawhid, au culte exclusif qui doit être voué à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout d'abord, al-iyafa at-tiyara, c'est le fait de croire aux augures. C'est-à-dire que durant la Jahiliya, ils avaient croyance aux augures, et notamment en ce qui concerne les oiseaux. S'ils voyaient par exemple l'oiseau voler d'une manière qu'ils réprouvaient, alors ils délaissaient ce qu'ils projetaient, comme par exemple leur voyage ou autre. Ils avaient pour habitude, par exemple, de prendre un oiseau et de le relâcher. Et selon la direction dans laquelle s'envolait l'oiseau, alors, ou bien ils pensaient que cela était une bonne augure et ils continuaient d'entreprendre leur projet ou leur voyage, ou alors ils pensaient que ceci est une mauvaise augure et ils délaissaient leur projet ou leur voyage. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit cela. Et il nous a ordonné de placer notre confiance en lui seul, subhanahu wa ta'ala. Et celui qui souhaite entreprendre un projet et qui est en doute au sujet de ce projet, qui est hésitant, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui a légiféré mieux que les augures. Il lui a légiféré salat al-istikhara, la prière de consultation. Tu accomplis deux unités de prière en dehors des prières obligatoires et après celle-ci, tu fais l'invocation de la consultation qui est présente dans nombre de livres d'invocation comme Hisn al-Muslim par exemple, la citadelle du musulman. Tu demandes donc à Allah subhanahu wa ta'ala de t'orienter et de t'aider dans ce choix. Et avant cela, avant de faire cette salat, tu consultes les gens de connaissance, les gens de confiance, les gens qui ont de l'expérience au sujet de cette chose que tu souhaites entreprendre. Et après cela, tu accomplis cette prière. Puis, tu avances dans tes projets et dans ce qui comporte un intérêt. Et tu ne crois pas en des choses qui laissent présager que quelque chose d'heureux ou quelque chose de malheureux va se produire. Comme le fait que l'oiseau vole dans telle ou telle direction, ou ainsi de suite. Je souhaitais partir en voyage, je suis sorti, j'ai vu un chat noir, alors j'ai abandonné cette chose. Tout ceci est semblable aux croyances des gens de la Jahiliya. Et ces choses n'ont aucune influence sur les projets de la personne. Donc le shir, rahimahullah ta'ala, il a mentionné l'ayafa et at-tiara qui sont ce que l'on vient de mentionner. Il a également mentionné at-tarq ou al-kahana. At-tarq, c'est le fait de tracer des traits sur le sol, comme le font nombre de charlatans qui tracent des traits dans le sable. Et ils prétendent, à travers ces traits, avoir connaissance de l'avenir. Pour cela que je l'ai mentionné avec Al-Kahana, la voyance. Donc ils tracent des traits sur le sol et ils prétendent qu'il va se passer ceci ou qu'il va se passer cela et ainsi de suite. Tout ceci fait partie des œuvres et des gens de la Jahiliya. Et cela entre dans le fait de prétendre avoir connaissance du ghaib, connaissance de l'invisible, dont seul Allah subhanahu wa ta'ala a connaissance. Et celui qui prétend avoir connaissance de l'invisible, alors il est tombé dans la mécréance ou l'iyadu billah. Et parmi les choses importantes à souligner ici, c'est le fait que ce qu'il prétend qui va se produire ou qui ne va pas se produire, il est possible que cela se produise comme ils le disent. Pourquoi? En guise d'épreuve et de tentation pour les gens. Donc le musulman, il doit prendre garde à cela et s'éloigner de tous ces charlatans parmi les voyants, les devins ou autres, et avoir la ferme conviction que seul Allah subhanahu wa ta'ala a connaissance de l'invisible et de l'avenir. Le cheikh également, il a mentionné ici at-tahakum ila at-taghut, le fait de prendre pour juge at-taghut. Et il désigne par cela le fait de prendre pour juge autre que le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme les lois inventées par les hommes. Et ainsi de suite, parmi les coutumes, les traditions ou autres. Tout ceci, cela fait partie de la religion des gens de la Jahiliya. Ils prenaient pour juge autre que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait révélé. Et l'obligation pour les musulmans, comme on a dit, c'est de prendre pour juge le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah, c'est-à-dire au livre d'Allah, et au messager, c'est-à-dire à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, si vraiment vous croyez en Allah et au jour dernier. Et le musulman, il ne doit faire prévaloir aucune loi, aucune tradition, aucune coutume, ni rien d'autre que cela, au-dessus de la loi d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Enfin, le shir, il a mentionné, rahimahullah, karahat al-tazwij bayn al-aidain. Réprouver le fait de se marier entre les deux fêtes, c'est-à-dire entre Eid al-Fitr et Eid al-Adha, la fête de la rupture après le mois de Ramadan, et la fête du sacrifice. Tout ceci entre dans le fait de penser que certains jours portent malheur. Et ceci est interdit dans notre noble religion, car c'est une forme de croyance aux augures. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a permis le mariage en tout temps, sauf lorsque la personne est en état de sacralisation, pour le pèlerinage ou la umrah. Et les jours, ils n'ont aucune influence sur la réussite ou l'échec d'une union. Car tout ceci est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc que la personne, elle se marie entre les deux Eid, ou qu'elle se marie durant le mois de Safar, ou qu'elle se marie à n'importe quel autre moment de l'année, alors ceci n'a pas d'influence sur la réussite ou l'échec de son mariage. Mais tout ceci est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la personne, elle ne doit pas penser que les jours, ou que le 13 du mois est un jour qui porte malheur, ou que s'il pleut, il va se produire ceci ou cela, et ainsi de suite parmi les croyances qui sont semblables aux croyances des gens de la Jahiliya. Donc comme vous le voyez, toutes ces questions sont des questions qui sont liées au tawhid. Et tous ces points, on les a vus ici brièvement et de façon concise, mais on reviendra dessus, inshallah ta'ala, lors de notre étude de Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, qui sera peut-être le prochain livre que nous étudierons, inshallah, si Allah subhanahu wa ta'ala nous fait grâce et nous le permet. On a donc terminé par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala l'étude de cet épître, Masahil al-Jahiliya, qui, comme vous le voyez, traite de nombreux sujets qui sont malheureusement encore présents chez beaucoup de personnes au sein de la communauté. Le musulman, il doit donc faire des efforts dans l'apprentissage de sa religion, apprendre à connaître la vérité afin de la mettre en pratique, mais également apprendre à connaître le faux afin de s'en éloigner. Et fait partie de ce faux, ces questions et ces préceptes qui font partie des préceptes des gens de la Jahiliya, desquels le musulman doit s'écarter. On remercie donc Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de terminer l'étude de ce livre. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à nous écarter des préceptes des gens de la Jahiliya. Ce qui était juste provient d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, et les erreurs ou les manquements qui ont pu se produire durant ces cours proviennent de moi ou du diable, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.